Ça, c'est ma tante Georgette, une sœur de papa. Elle a 59 ans. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle n'est pas mariée. Elle est célibataire, elle aussi. Heureusement, parce qu'elle déteste les enfants. Même si les vénus, elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Mais au fond, elle est très gentille. Moi, je l'aime beaucoup. Ben, voilà. Ma tante Paulette et mon oncle Victor ne sont pas là. Mes grands-parents non plus. Mon grand-père ne va pas très bien. Mais je peux vous montrer les photos si vous voulez. Marie-Laure ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Va chercher mon album. Oh, mais tu m'embêtes ! Tu ne veux pas aller le chercher toi-même ? Ça, c'est moi à 6 ans. Et ça, c'est moi à 6 mois. Ça, c'est l'annonce de ma naissance dans le Figaro. Ça, c'est l'annonce de la naissance d'Hubert. C'est un ami. Nous avons exactement le même âge. Nous sommes nés le même jour. Ça, c'est le faire-part de la naissance de Marie-Laure. Et ça, qui est-ce ? Ça, c'est Sophie. C'est ma cousine. Du côté de maman. Une potier. Ah oui, la sœur de Philippe ? Oui, c'est ça. Et comment est-elle ? Elle est sympathique, ta petite cousine ? Ouais, enfin elle est gentille. Mais je préfère mes cousins Bello, surtout Georges. Elle n'est pas mal ta cousine. Quel âge a-t-elle ? Elle a 17 ans. Et un seul caractère, je te préviens. C'est vrai ? Ça c'est Marie-Laure en tutu. Ça c'est tante Georgette avec son toutou. Fido il s'appelle. Ce sont mes parents. Et ça c'est ma grand-mère. Ça c'est mon grand-père. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Ça, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Et ça, c'est son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Monsieur de Cro-Magnon. D'ailleurs, elle lui ressemble, vous ne trouvez pas ?